ça Jésus fait dans la vie moi. Mais si ou t'es ça, c'est celle qui a pas la vie. Ou pas t'es qu'à rester assis, ou t'es qu'à lever chercher aussi. Pour qui la vie moi si belle, qu'à briller comme un soleil. Si ou t'es ça, ça Jésus fait dans la vie moi. Mais si ou t'es ça, c'est lui seul qui a pas la vie. Ou pas t'es qu'à rester assis, ou t'es qu'à lever chercher aussi. Pour qui la vie moi si belle, qu'a brillé comme un soleil. À bas chapiteau, dirigé par l'Esprit mon Dieu. Moi senti Dieu moi touché. Moi dit Jésus mais la vie moi. Dirigez-moi, guidez-moi. Pour moi ça fait volonté. Dirigez-moi, guidez-moi Jésus. Pour moi ça fait volonté. Jésus ressuscité Lazare. Faut pas rester assise là, à quoi c'est à réfléchir. Jésus fait dans la vie moi. Mais si ou t'es ça, c'est lui seul qui a bâti la paix. Ou pas t'es qu'à rester assis, ou t'es qu'à lever chercher aussi. Pour qui la vie moi si belle, qu'a brillé comme un soleil. À pas chapiteau, dirigé par l'Esprit mon Dieu. Moi senti Dieu moi touché. Moi dit Jésus mais la vie moi. Dirigez-moi, guidez-moi. Pour moi ça fait volonté. Dirigez-moi, guidez-moi. Pour moi ça fait volonté.